Vous êtes à Cifou pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Eh bien, je remplacerai encore Mathieu Plante pour le restant de la semaine et un seul chroniqueur sera présent aujourd'hui, Dominique Mavungu. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki. En ce 27 mars 2017, on est simplement 31 jours avant la fin de l'année scolaire. Donc là, j'ai peur, il n'en reste pas beaucoup. Vous allez pouvoir profiter de... Oui, je m'en vais dire de la belle température, mais dans les prochains jours. T'sais, d'ici 30 jours, on espère qu'il va commencer à faire beau. C'est un petit peu la raison du pourquoi on commence un petit peu plus tard aujourd'hui. Vous l'aurez deviné, les routes, c'est pas super beau, alors faites attention. C'est drôle, c'est quand même ironique. Ceux qui font de la radio le matin doivent se lever, doivent braver les températures qui sont les moins belles pour venir dire au monde de rester chez eux. C'est quand même drôle. Mais faites attention, il y a du sable à quelques endroits, sinon à d'autres places, il n'y en a pas du tout. Donc, la conduite est quand même assez difficile ce matin. Ça glisse beaucoup et vous allez devoir prendre un bon 20 minutes pour déglacer votre voiture ce matin. Donc, faites attention à vous. Nous, pour le moment, eh bien, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Je m'appelle Tania Baudin en remplacement de Mathieu Plante. Mathieu, je suis contente que tu sois resté chez toi ce matin parce que probablement que tu aurais eu d'autres prouesses sur la glace. Alors, on est bien content que tu sois au repos comme ça et que tu vas nous revenir bientôt. Alors, sors pas de chez toi aujourd'hui. Pour l'émission d'aujourd'hui, eh bien, comme je l'ai dit, on va avoir simplement un chroniqueur. Dominique Mavungu devrait être avec nous si tout se passe bien aux alentours de 8 heures. On va lui laisser quelques minutes quand même. Moi, je suis arrivée un petit peu en retard aussi à cause de la température. Donc, on va voir comment ça se passe de son côté ce matin, mais je vais vous tenir au courant. Sinon, bien évidemment, on va avoir de la musique, peut-être même un petit peu plus de musique aujourd'hui, puisque vous savez, lorsque j'anime seule, c'est comme une différence. Permet peut-être un petit peu plus souvent de pouvoir mettre de la musique différemment quand on est deux à animer, parce que bon... Parfois, on discute, on a des plus grands sujets de conversation, on fait en sorte qu'on manque un petit peu de temps. Mais si vous me laissez vous offrir une chanson ce matin, comme ça, en début d'émission, eh bien, je vais y aller pour une pièce qui s'appelle Hurricane, parce que ça ressemble quasiment à ça ce matin. Une espèce de tempête printanière de pluie, de glace, de verglas. Faites attention à vous sur les routes. Voici Autopilot avec Hurricane. Precious stars. Hurricane de Autopilot. Je trouve que c'est une très bonne pièce qui fait partie du palmarès, oui, anglophone. Nouvelle entrée, si je me souviens bien, de la semaine dernière. Donc, on va voir où elle s'est rendue cette semaine, peut-être un petit peu plus tard demain en journée. Pour nous, c'est le temps de discuter quasiment, j'ai le goût de dire, de sujets qu'on était censé discuter la semaine dernière, qui s'est jamais vraiment donné l'opportunité d'être discuté. Manque de temps, tout simplement, comme ça, il faut avouer que parfois, lorsqu'on a des chroniqueurs, lorsqu'on a des nouveaux co-animateurs, eh bien, on n'a pas nécessairement tout le temps de discuter de ce qu'on voulait discuter. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de discuter avec vous de comment mieux gérer son temps. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, parfois, c'est assez difficile de mon côté de pouvoir arriver à bien gérer mon temps. J'ai un horaire quand même assez chargé et parfois, j'ai un horaire trop chargé. Alors, je pense qu'on l'a déjà mentionné. Parfois, on peut être un véritable ninja de la gestion du temps, mais je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver, en fait, des trucs pour mieux gérer son temps? Si vous avez de la difficulté, eh bien, ne vous inquiétez pas, j'en ai quelques-uns pour vous. Le premier, en fait, c'est de pouvoir rentabiliser ses journées de congé. Là, je sais, déjà, en partant, tu dis, OK, je suis en congé, j'ai pas le goût de faire grand-chose. Mais que vous soyez en congé la fin de semaine ou que vous ayez un horaire irrégulier, c'est quand même assez important d'utiliser nos journées de congé à bon escient parce que c'est comme ça qu'on va arriver à pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Donc, oui, on est d'accord, les journées de congé, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour se reposer, mais c'est aussi bénéfique de poser quelques actions quand même assez concrètes pour la semaine qui va suivre. Ce qui va nous permettre de ne pas courir partout comme une poule pas de tête au courant de la semaine d'après. Et c'est un investissement de temps qui est payant au bout du compte quand vous regardez ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pendant notre journée de congé? Eh bien, premièrement, on va réfléchir à ce qu'on va manger grosso modo durant les prochains jours. On va se faire une liste, puis par la suite, dans cette fameuse belle journée de congé-là, on va se rendre à l'épicerie. Ça va nous permettre de devoir se rendre là au moins 4 fois pendant la semaine d'après, ce qui est une belle perte de temps quand on regarde ça comme ça, de devoir aller à l'épicerie quand même plusieurs fois par semaine. Donc ensuite, on fait un petit peu de popote, on va faire des lunchs, on va faire quasiment notre planning de ce que l'on va vouloir manger durant les prochains jours. Et on peut aussi préparer des choses pour nos recettes qui vont se faire plus tard. T'sais, c'est pas parce que t'as le goût de manger, je sais pas moi, le mercredi, un ragoût de bœuf que t'es obligé de le partir le dimanche. Donc de ce côté-là, on va pouvoir par exemple couper ses légumes d'avance sans nécessairement devoir faire son fameux ragoût le dimanche. Par la suite, le deuxième point, c'est l'importance d'être régulier. Donc, on ne parle pas de votre régularité intestinale, mais bien de vos habitudes. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que vous faites certaines choses régulièrement. Elles deviennent de moins en moins longues à faire parce qu'à chaque fois, on gagne du temps à le faire en bout de ligne. On devient habitué de faire ces choses-là. Donc, c'est justement l'importance d'être régulier qui revient dans ça. Et le meilleur exemple, bien, c'est le ménage. Si vous faites votre ménage, par exemple, une fois par semaine, on vous garantit que ça va vous prendre à peu près 3 heures à faire, à moins que vous ayez vraiment une grande maison ou un appartement vraiment grand. Là, ça devrait aux alentours durer 3 heures pour votre ménage. Donc, idéalement, vous pouvez faire ce ménage-là aussi pendant une journée de congé. c'est un bonus parce qu'on va avoir du temps libre de plus durant la semaine. Vous n'aurez pas besoin de vous taper, je ne sais pas moi, 5 tâches ménagères tout au long de la semaine. Vous allez faire ça durant votre journée de congé. Il y a aussi la fameuse vaisselle. Parce que si vous êtes étudiant ou si vous travaillez ou si vous vivez dans un appartement, des fois, la vaisselle, c'est pas toujours ce qu'on veut faire partir en premier. Donc, on doit la faire à tous les jours. Il faut se mettre à l'évidence. C'est vraiment moins long. Et en plus, il me semble que c'est tellement plus plaisant de vivre dans un environnement où les comptoirs sont pas envahis d'assiettes, de verres et tout ça. Donc, on doit mettre l'importance d'être régulier sur la vaisselle aussi. Il y en a beaucoup qui ont de la difficulté avec ça. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais allée en appartement, tu sais, le matin à 5 heures, c'est beau, c'est correct, là, ça te tente pas de faire la vaisselle, ça te tente pas nécessairement de faire la vaisselle pour réveiller tes colocs le matin si votre horaire est quand même assez différent. Donc, il y a un moment dans la journée, si par exemple, je revenais de travailler ou je revenais de l'école vers les 16h30, eh bien là, je me disais, OK, go, avant de faire à souper, je vais me clencher la vaisselle de ce matin, puis par la suite, on va faire la vaisselle du soir. Ça sauve du temps dans un horaire, je vous le dis. Par la suite, le troisième point, c'est de préparer les choses le soir pour le lendemain matin. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, c'est pas très trop compliqué, là, ça le dit pas mal, mais c'est de préparer la veille, par exemple, nos vêtements et notre boîte à lunch. Bon, rendu à l'université, il y en a beaucoup qui ont plus de boîte à lunch, là, mais il y en a quand même qui se font des lunchs. Donc, on prépare tout ça la veille et comme ça, vous allez avoir moins de chances d'oublier quelque chose d'important et vous allez être moins à la course. Vous allez gagner du temps qui va être précieux. Attention, attention, pas pour vous préparer le matin, non, pour dormir beaucoup plus longtemps. Donc, si vous êtes comme moi, là, vous appréciez les minutes de sommeil qui vont faire le changement dans votre journée, eh bien, ce point-là, c'est un petit peu pour vous gâter justement le matin. C'est de vous dire que vous allez avoir, par exemple, 3 minutes de plus ou 5 minutes ou encore 10 minutes de plus pour pouvoir dormir que ce que vous auriez eu si vous aviez dû faire votre lunch ou préparer ce que vous alliez mettre la veille. Si vous êtes comme moi, vous allez décider la veille ce que vous allez mettre. Vous n'allez pas nécessairement le sortir, mais au moins, vous allez déjà avoir une bonne idée de ce que vous voulez faire. Et vous allez avoir aussi, parfois, une planification de ce que vous voulez mettre dans votre lunch. Donc, vous allez déjà avoir une avance sur être devant le frigidaire, regarder à l'intérieur du frigidaire et pas savoir quoi mettre dans votre sac à lunch. Ça arrive quand même assez souvent de ce côté-là, mais si vous le faites la veille, je vous jure, vous allez sauver du temps. Par la suite, le quatrième point, c'est ce qu'on n'a pas envie de faire au plus vite, mais de devoir le faire pareil. Je vous explique. Si vous avez quelque chose de vraiment plate à devoir faire, genre un devoir ou une corvée ou vous devez terminer de travailler sur un projet quelconque, eh bien, faites-le au plus vite. Ça a l'air évident comme conseil, là, on le sait, mais il y a beaucoup trop de personnes qui procrastinent et qui se retrouvent dans l'urgence, entre guillemets, de réaliser une tâche ou de devoir terminer un travail assez important. Donc, si vous le faites maintenant, si vous portez toute votre attention là-dessus pour en venir à bout rapidement, ça va vous éviter d'avoir la petite pensée récurrente dans votre tête de « je devrais peut-être être en train de faire ça » au lieu d'écouter 12 millions de vidéos sur YouTube ou d'écouter 3 épisodes de séries sur Netflix. Ça, c'est... On vous aide, là, ici, on vous aide. Donc, vous allez pouvoir, par la suite, chiller, tu sais, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, mais vous devez faire ce que vous n'avez pas le goût de faire en premier. C'est comme se donner une petite récompense. C'est comme dire, mange tes brocolis, je vais te donner un morceau de gâteau. C'est exactement la même chose, tu sais. C'est, fais ton devoir plate, par la suite, tu vas pouvoir écouter 3 épisodes de ta série sur Netflix. C'est de devoir, justement, mettre nos priorités à la bonne place. Ce qui m'amène au point numéro 5, qui est le dernier point, c'est justement d'apprendre à établir nos priorités. À mon avis, on a peut-être toujours envie de trouver du temps dans notre horaire pour ce qui est véritablement important à nos yeux. Donc, si vous voulez vraiment vous entraîner 3 fois par semaine, bien, c'est très possible de le faire, mais ça voudra peut-être dire de laisser autre chose de côté. On n'a pas le choix parfois parce qu'on a juste 24 heures dans une journée et quand tu calcules le nombre d'heures que tu travailles, le nombre d'heures que tu passes à l'école, le nombre d'heures que tu fais tes devoirs, tu sais, des fois, là, 24 heures, c'est pas bien gros. Hein? Donc oui, on se le cachera pas, la vie, c'est aussi une question de choix et à vous de faire le bon pour créer une vie qui va vous ressembler à vous et qui va vous coller à votre peau. Donc une vie qui vous donne envie de vous réaliser pleinement. C'est une idée de choix qui est expliquée un petit peu plus en détail sur plusieurs vidéos, sur plusieurs articles sur Internet, mais je pense que si vous décidez de mettre vos priorités à la bonne place, si vous vous dites, moi j'adore ça dans la vie de faire de la popote justement, tu sais, ça ne dérange pas de faire de la popote 4 jours semaine, bien si vous allez mettre vos priorités sur ça. Si vous n'êtes pas du genre à vous entraîner, vous n'allez pas vous entraîner, tu sais, vous comprenez, c'est de gérer votre horaire du temps selon vos priorités, mais toujours en gardant dans la tête qu'il y a certaines choses que vous devez faire. C'est une obligation. Donc, par exemple, tout ce qui est plate et que vous devez le faire en premier, bien, faites-le en premier. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux par la suite. C'est pas si compliqué. C'était quelques trucs pour avoir une meilleure gestion du temps parce que je pense qu'à certains moments, on a tous cette... je veux pas dire cette complication-là, mais on a tous ce fameux petit questionnement-là à se dire comment je vais arriver à passer au travers de cette semaine-là. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai pas le temps de faire et qu'est-ce que je vais avoir le temps de faire, mais j'ai tellement de choses à devoir rentrer dans si peu de temps dans une semaine. Donc, parfois, de gérer son horaire d'une façon différente que ce qu'on aurait fait, ça peut aider certaines personnes et j'espère que ça va vous aider. Si vous avez d'autres trucs, eh bien, je vous invite à aller sur la page Facebook d'Assemblage Requis et de venir nous donner vos impressions ou juste vos trucs pour mieux gérer le temps. Peut-être que ça va aider certains auditeurs à pouvoir faire de nouveaux choix. Je parlais de vouloir regarder des séries télévisées sur Netflix. On le sait, je pense que tout le monde... un compte Netflix dans la vie maintenant, à part moi. Et si vous êtes du genre à vouloir justement vous donner une fin de session qui va soit vous bénéficier ou soit va vous faire procrastiner, eh bien, il y a des nouvelles séries qui vont sortir en avril pour justement vous aider à procrastiner ou vous récompenser selon comment vous gérez votre horaire. Alors, on s'est dit que vous seriez peut-être excité de connaître les nouveaux films et les nouvelles séries qui vont sortir sur Netflix en avril 2017 et préparez votre popcorn parce que ça arrive dans moins de 2 semaines, là, tout ça. Là. Moins de 2 semaines, genre moins d'une semaine, c'est samedi le 1er avril, donc vous allez pouvoir bénéficier de tout ça dans quelques jours à peine. Alors si on regarde ça comme ça, eh bien il y a le film Absolutely Fabulous qui va sortir le 1er avril sur Netflix. On a aussi la saison 6 de Downton Abbey, le film d'animation Rio qui va sortir sur Netflix. On a aussi un petit peu plus tard, le 4 avril, la saison 2 de Chewing Gum, qui est une comédie originale de Netflix. Aussi Louis C.K. 2017, que ça c'est un film, mais que c'est aussi un original de Netflix. Par la suite, The Last Kingdom, saison 2, va sortir là aussi sur Netflix. Un petit peu plus tard, durant le mois d'avril, vous allez avoir Riverdale. C'est sûr que c'est déjà sorti, mais il y a un nouvel épisode à chaque semaine. Donc, vous pouvez les retrouver sur le site Internet ou sur votre application Netflix. Par la suite, production originale de Netflix, eh bien, on a El Faro de las Orcas. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je suis pas super bonne en espagnol, mais je vais faire la recherche durant la prochaine pause. Vous allez pouvoir voir. Vous allez aussi avoir un film qui est une autre production originale de Netflix, qui est Win It All. Donc, j'ai bien hâte de voir de quoi ça va parler. On parle de Mad Max aussi. Kevin Hart, qui est son stand-up comique. Kevin Hart est un humoriste, je pense que tout le monde aime. C'est un gars qui est tellement drôle. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir son stand-up, ça va sortir quasiment mi-avril et ça s'appelle What Now. Donc, vous allez pouvoir voir tout ça. Il y a plusieurs séries qui vont vraiment sortir durant le mois d'avril. Plusieurs films aussi. Plusieurs productions originales. Donc, je le disais tout à l'heure, Netflix a comme cette possibilité-là maintenant de pouvoir faire leur propre production, que ce soit des films, que ce soit des séries ou encore des documentaires. On en voit de plus en plus. Et comme on le sait, bien, c'est assez facile de pouvoir trouver tout ça sur Internet aujourd'hui. Alors, je vous invite à faire un tour sur, par exemple, le site Internet de Netflix pour pouvoir voir ce qui vous intéresse. Plusieurs comédies aussi qui vont sortir en avril. Donc, si vous avez le goût de vous dilater la rate, c'est là que ça va se passer. Sinon, Il va y avoir le documentaire qui est une production, encore une fois, originale de Netflix, qui est Casting John Bennett. Si vous vous rappelez, on en a déjà discuté, Mathieu et moi, dans l'émission de ce documentaire-là, mais du cas John Bennett, la petite fille qui a été retrouvée morte dans la maison chez elle. Je pense que tout le monde dans la famille a déjà été accusé à un certain point. Dernièrement, il y a des documentaires qui sont sortis où son frère était vraiment beaucoup pointé du doigt. Il a été, par exemple, acquitté de tout là, en théorie il a rien fait à sa petite sœur et tout ça, donc il va y avoir un nouveau documentaire qui va sortir par rapport à ça. J'ai bien hâte de voir, j'ai vraiment le goût de m'abonner à Netflix dans les prochains mois pour pouvoir justement bénéficier de tout ça. Ça serait tellement le fun. Au retour de la pause, eh bien, Dominique Mavungus devrait être avec nous. Tout ça au retour dans Assemblage Requis. Vous êtes toujours dans l'assemblage requis, Tania Baudin à l'antenne jusqu'à 9h30 en remplacement de Mathieu Plante, seul comme ça dans mon studio humide. Non, c'est vrai. Mathieu va bien quand même. On a eu quelques nouvelles la semaine dernière. On devrait pouvoir encore une fois lui parler un petit peu plus tard d'ici la fin de l'émission. Je vous disais que dans quelques instants, on devrait avoir Dominique Mavungu avec nous. Présentement, il n'est pas encore arrivé, mais comme je le disais, la température n'est pas très, très propice, oui, à ce que les gens arrivent à l'heure aujourd'hui. Même moi, j'ai eu de la difficulté à m'en venir. C'est très, très, très, très glissant à l'extérieur, donc il faut quand même faire attention un petit peu. Mais nous, on va aller écouter une pièce musicale. Au retour, on va se parler un peu économie. Du moins, pas nécessairement économie, mais on va se parler un petit peu argent. Mais avant ça, on va aller écouter Peter avec Bien Réel. J'ai retrouvé sous mes angles de la terre celle d'un endroit où je n'ai jamais été. Dans mes mains, elle prend la forme d'une spirale. Plus je la fixe, plus je sens qu'elle m'avale. C'est alors que je me laisse tomber, puis me réveille dans un lit drapé d'or. Le plafond est étoile, sol, jardin. Des cascades dans mes cheveux se frottent au chemin. Royaume où règne la musique et le silence. Il me fut entièrement légué, oui, je pense. J'imagine que c'est bien réel. J'imagine que c'est enfin vrai. fut entièrement légué, oui, je pense. Je n'avais pas remarqué qu'il n'y avait pas de mur. Maintenant que je sais, je crois enfin tout comprendre. Peter, une pièce qu'on adore ici à C'est fou, qui a fait son entrée dans les palmarès francophones. Et Peter, c'est un artiste déjà à la base qu'on aime beaucoup. Je vous disais tout à l'heure que je devrais pas être tout seul tout le long de l'émission parce que Dominique devrait venir me rejoindre et il est arrivé. Voici Dominique Mavungu. Allô! Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi, Tania? Oui, la température, pas trop pire. Ça n'a pas été... Sauf le verglas. Ouais, c'est ça. Sauf le verglas, mais j'ai failli me casser une jambe, là. Mais, C'est ça. Hein? Non, mais t'étais arrivé en un morceau. On est content de te voir en un morceau. Dominique, aujourd'hui, dans ta chronique, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Aujourd'hui, ça sera un peu l'Afrique en bref. Je vais parler un peu, commencer par le tourisme un peu, parler un peu de destinations un peu genre en Afrique qui peuvent être assez attractives aussi, qui seront aussi des bons coins à visiter pour ceux qui veulent se faire un trip là-bas. Et on parlera un tout petit peu de cinéma aussi, et puis de quelques expositions d'art qui ont eu lieu un peu sur le continent un peu. Cool! Est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bien, on va partir ça immédiatement. Ok. Tout ça en parlant de tourisme ce matin. C'est ça, on va commencer déjà par tourisme. Aujourd'hui, je vais vous emmener au Bénin. Ok. On va commencer par le Bénin, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest. Et au Bénin, j'ai checké un peu. C'est un pays où je suis déjà y allé d'ailleurs. Ok. Et j'ai déjà fait un tour là-bas, c'est un beau pays. Et puis déjà au niveau des déplacements, déjà, il faut savoir que là-bas, c'est des taxis moto. Oui, ok. Donc les taxis conventionnels existent, mais sont un peu plus rares à trouver dans la circulation. Donc les populations là-bas se déplacent plus en taxi moto. Donc déjà, c'est moins cher, et de deux, ça évite déjà les embouteillages. Oui, c'est vrai, hein? Ça doit. Ouais, prend moins d'espace. C'est ça. Donc c'est sûr que ouais, vous arrivez plus vite. Bon, après, il y a peut-être des fois un souci de sécurité et tout, parce que bon, c'est jamais avec les collisions et tout. Mais sinon, c'est un moyen qui est... Il y a quand même quelques accidents des fois, mais sinon, c'est quand même un bon moyen de transport, et puis c'est un moyen original. Ça, c'est au Bénin, c'était sur comment se déplacer là-bas. Mais après, aussi au niveau touristique aussi, il y a beaucoup de plages, il y a beaucoup de palais à visiter, de palais royaux. Parce que, ouais, il faut savoir, c'est un pays où, avant la colonisation, il y avait beaucoup de, Il y en a toujours jusqu'à présent, mais ils avaient une grosse civilisation. Ils étaient quand même la société. Il y avait beaucoup de royaumes qui étaient fragmentés, okay. en fait, parce qu'il y avait pas de frontières en fait dans le fond. Okay, donc en Afrique, tout le monde était comme Aurélie. Il y avait comme des royaumes, mettons. Et dans ce pays-là, ils avaient beaucoup de royaumes. Donc parmi, on peut citer le palais d'Abomey. Ça, c'est un peu un peu plus dans l'est du pays. Bon, peut-être je pense une heure et demie de la capitale qui est Cotonou. Donc ce sont des palais qui sont inscrits au patrimoine mondial quand même de l'humanité. Et c'est pas rien. Et puis bon, les quatre principaux, il y a le palais, comme je vous disais, d'Abomey. Mm-hmm. Le second, c'est le palais royal de Porto Novo. Ça, c'est la seconde ville, la seconde ville du pays. C'est, on peut dire, la capitale, politique. C'est okay. là-bas qu'ils ont comme l'Assemblée nationale et puis... Les autres, la cour constitutionnelle, tout ça c'est situé à Porto Novo, dans la seconde ville. Et puis il y a aussi qu'on pouvait visiter des quartiers anciens. Et puis il y a une route, la route des esclaves à Ouida. Ces gens, qu'on appelle la porte de non-retour, c'était là où les bateaux embarquaient les esclaves pour les emmener en Europe. Donc c'est quand même une porte là, c'est comme un comptoir pour esclaves, où on marquait que telle personne de tel poids a été déportée, tout ça. Fait que c'est quelque chose d'historique à aller visiter. C'est un site qui est assez intéressant aussi. Ils ont aussi une cité, la Cruste, mettons comme des maisons sur pilotis, là-bas, les gens, ils vivent pratiquement dans l'eau, là, leurs maisons, elles sont genre sur pilotis. Okay. Et ils se déplacent en pirogue, si tu préfères. Et pour se déplacer d'une maison à une autre, il faut comme embarquer. Donc comme une barque, les pirogues, c'est comme des petites barques, là. Et on embarque dessus pour se rendre... pour se déplacer un peu dans la ville, tout ça. C'est un moyen original. Mais après, par contre, il faut être sûr de savoir nager. Ah ouais, hein? C'est sûr, parce que les bains sont... Il y a de fortes chances que tu puisses prendre un bain. OK. Ça c'est sûr. Fait que c'était ça aussi. Donc, c'est des choses aussi qu'on pourrait visiter aussi au Bénin aussi. Et il y a aussi une fondation là-bas, aussi une fondation d'art contemporain qu'on appelle la Fondation Zinsou, qui a été mise en place par Cécile Zinsou là-bas, et qui est chargée de... qui fait un peu la promotion un peu de l'art, qui récolte un peu... Il y a comme des musées qui ne sont pas assez entretenues et tout. Mm-hmm. Donc, ils ont comme... cette dame-là, Zinsou, elle a comme elle a mis en place cette structure, et puis elle expose l'art contemporain béninois, et moi je suis déjà allé là-bas. C'est vraiment une belle expérience. Donc déjà c'est interactif, c'est numérique, fait que tu peux déjà apprendre l'histoire en faisant un tour là-bas. C'est une belle attraction aussi à visiter, parce que c'est un pays qui est riche en histoire, quoi. Mm-hmm, ben oui, ils ont une grosse histoire aussi au niveau colonial, tout ça, et même avant ça aussi, post-colonial. Il y a vraiment des trucs intéressants à voir aussi au Bénin. Ça, c'était pour le Bénin en Afrique de l'Ouest. Est-ce que du côté tourisme, il y a vraiment beaucoup de tourisme qui se fait là-bas? Il y en a beaucoup, parce que c'est un pays aussi qui est très stable aussi politiquement. Et puis le coût de la vie aussi n'est pas vraiment élevé aussi. Ça. Donc il y a beaucoup de gens qui vont aller faire un tour pour visiter un peu, voir un peu, et puis vraiment les conditions sont bien, surtout que, comme j'ai dit, le coût de la ville est vraiment réduit. Donc c'est que si t'es bien préparé, tu peux vraiment voir beaucoup de choses, et puis vraiment avoir un voyage appréciable. Cool. Donc c'était pour le Bénin. Donc je vous conseille fortement, si un d'entre vous est fan d'Afrique, pourquoi pas, ça serait une bonne destination. Donc ils ont aussi de bonnes ambassadrices, comme peut-être Angélique Kidjo. Je sais pas si elle est trop connue, elle est assez connue au Québec, mais quand même elle est quand même connue internationalement quand même. Elle a même été nominée au Grammy Award aussi. OK. Bon, mais elle les a pas remportées, mais c'est une manière de dire que c'est une ambassadrice mm-hmm. du pays, assez célèbre. Bon, à la suite du Bénin, il y a aussi le Congo Brazzaville. Ok. Voilà, qui est un pays aussi qui serait intéressant aussi à visiter côté tourisme. Ben déjà parce que c'est le Congo Brazzaville. Il faut savoir qu'il y en a deux, les Congos. Il y a un autre qui s'appelle Congo Kinshasa, et ils sont comme séparés par un fleuve. Ah, ok. Donc tu peux être d'un bord du fleuve et tu vois un autre pays. C'est les deux capitales les plus rapprochées au monde. Wow. Tu peux vraiment voir des voitures qui passent genre, dans un autre pays. Genre. Ok. Tu vois, c'est ça. Et déjà, là-bas, des trucs à visiter, il y a déjà un musée qui s'appelle le musée Pierre Savoignon de Brazza, qui est situé justement à Brazzaville. Ça, c'est la capitale politique. Donc là-bas, c'est un musée où on retrace un peu l'histoire du pays justement, qui a été justement découvert par cet homme-là, Pierre Savoignon de Brazza. C'est un explorateur portugais qui est venu. C'est lui-même qui a donné qui a ajouté son nom à la ville, donc okay. Congo Brazzaville, vu que c'était lui qui était allé là-bas. Et donc ça, c'est un musée qui est intéressant pour les choses à faire à Brazzaville aussi. Et puis bon, le coût de la vie aussi, il est quand même relativement en dessous. Il y a aussi beaucoup de logements, les résidences, tout ça. Donc ça, c'était pour la ville de Brazza. Mais il y a aussi la seconde ville qui est Pointe-Noire. Ça, c'est la ville qui donne un peu, voilà, il y a la plage, c'est un peu comme un petit Miami là-bas. Et ça, c'est vraiment la destination préférée des touristes. Okay. Quand il y a les touristes qui viennent, ils viennent plus là-bas du fait de la plage, tout ça, alors que Brazzaville, c'est vraiment citadin, quoi. Il n'y a pas de plage, tout ça, c'est les voitures et tout, donc c'est pas... Il y a des gens qui iront visiter, mm-hmm. mais pour le tourisme, c'est mieux d'aller peut-être à Pointe-Noire, qui est un peu plus éloigné. Là, c'est plus reposant et ça fait plus touristique. Donc, pour les choses à voir là-bas, il y a de nombreux édifices aussi qui rappellent aussi le passé colonial. Il y a la gare des chemins de fer qui a été construite par les colons, mais en fait, c'est entre guillemets les colons, mm-hmm. c'est ça. Donc c'était une gare pour transporter un peu les marchandises à travers l'Afrique centrale. Comme c'était quand même des grosses colonies, donc ils avaient fait construire des chemins de fer pour permettre d'acheminer les marchandises facilement d'un pays à un autre, parce que par la route, ça prenait vraiment, vraiment beaucoup de temps, tout ça. Donc il y a ça aussi à visiter, mais elle n'est plus en activité, la gare. Okay. Mais c'est juste une manière de... C'est juste une attraction que les gens vont visiter, voilà, de temps en temps aussi. Et il y a aussi une cathédrale aussi, Notre-Dame, qui a été vraiment avec une architecture très, très spéciale. Donc qui est vraiment aussi un beau patrimoine aussi à aller visiter. Il y a aussi la chambre de commerce de style d'art de déco, ou bien encore la poste centrale aussi, qui sont bien aussi à aller visiter. Donc je vous parlais aussi des plages tantôt. Il y a aussi mm-hmm. deux belles plages aussi là-bas, la plage de Pointe Indienne et la plage de Luango. Le Luango, ça c'était le lieu de débarquement des premiers missionnaires. Quand okay. les premiers missionnaires sont venus d'Europe, ils ont débarqué à cette plage-là, et on peut encore voir un peu les traces de leur passage aussi. C'est quand même bien conservé, donc pour les photos, pour l'histoire. Ceux qui sont fans d'histoire, c'est une bonne destination aussi à voir aussi en Afrique. Après, un peu plus en Afrique du Nord, il y a le Maroc. Oui. Voilà, le Maroc, ouais, ça c'est peut-être connu. Est-ce que toi, t'es déjà allé... J'ai jamais été au Maroc, mais si j'avais à faire un gros voyage, je pense que j'irais au Maroc. Là. Ça vaut la peine, des paysans assez. Là. Non, c'est sûr. Le Maroc, moi, par contre, j'y suis déjà allé aussi. Et c'est vraiment un très bon pays aussi, qui est aussi riche en histoire. Donc là-bas, il y a beaucoup de villes. Hein. Mm-hmm. Et on peut commencer déjà par... C'est vraiment très touristique là, c'est sûr que c'est une destination. Il y a vraiment même 3, 4, 5 villes. Donc on peut commencer déjà par la capitale, Casablanca. Il y a une belle corniche là-bas et qui donne accès aussi à la plage. Et c'est vraiment bondé, quoi. En été, là, c'est à peine si tu peux trouver une place de parking et tout. Oh mon Dieu, ok. Il y a beaucoup de gens. Ça, c'était pour la plage. Mais après, il faut savoir que c'est vraiment en pleine ville. C'est comme déjà dans la capitale. Donc, c'est sûr qu'à la base, déjà, il y a beaucoup de gens. Et tout le monde veut aussi profiter du peu de plage. Mm-hmm. Donc, fait que tout le monde se ramasse là-bas. Mais c'est quand même plaisant de faire un tour. À part pour le parking. C'est sûr pour le parking, ça va être un peu compliqué. Mais à part ça, quand j'étais allé, c'était vraiment bien. Il y a beaucoup de manèges aussi. Okay. Il faut savoir aussi que Casablanca, ça dort jamais. Là-bas, même à genre comme 2h de la nuit, tu sais, les parcs d'attractions sont ouverts. Il y a des gens qui préfèrent même aller la nuit, justement. Wow. Donc c'est ouvert en continu 24h/24, ça ferme jamais. Ah, ça doit être le fun. Donc mettons, même si t'as pas envie, ça te tente pas d'aller en plein soleil, tu vas la nuit faire des attractions, te balader sur la plage, tout ça, en pleine capitale aussi. Et puis bon, le coût de la ville est bon. il est pas très élevé, mais bon, légèrement quand même, parce que c'est quand même aussi, voilà, une grande ville. Mais tout dépendamment de où on veut se situer. Si c'est sûr que si c'est plus proche de la corniche ou de la plage, les prix aussi seront un peu plus élevés. Mm-hmm. Mais après, tu peux être dans le centre de la ville et puis peut-être louer un véhicule aussi. Ça se fait très bien. Donc ça facilite les déplacements dans la capitale, tout ça. Et ça c'était pour la première ville, Casablanca. Après, il y a aussi Marrakech. Voilà, c'est une destination aussi qui est vraiment, voilà, qui est plus prisée par les touristes. Il y a vraiment beaucoup de stars françaises, du cinéma français qui viennent, et aussi des stars internationales aussi, mm-hmm. qui viennent là-bas se reposer, se relaxer, et puis bon, profiter un peu de la vie. C'est une destination qui est, ouais, là je vous dirais, qui est quand même assez jet set, mettons. Okay. Voilà, mais bah, ces dernières années c'est devenu assez jet set bah, du fait de la notoriété, comme il y a beaucoup de stars qui viennent, donc c'est normal que les prix un peu augmenté là-bas. Fait que c'est ça, mais ça reste quand même une belle destination, Marrakech, pour ceux qui veulent prendre du soleil et puis un peu qui vraiment un peu d'exotisme avec les palmiers, tout ça. Donc c'est un bon trip que voilà, je recommande aussi aux auditeurs si un jour ils aimeraient faire un tour. Et après, il y a aussi Ouarzazate, qui est aussi une ville, c'est toujours aussi au Maroc, mais ça c'est une ville qui est assez connue parce qu'ils tournent beaucoup de films là-bas. Okay. Genre il y a un film qui a été tourné là-bas qui s'appelle Mad Max. Oui. Ouais, ils ont tourné une partie là-bas dans le désert, un peu là-bas au Maroc. Ok. Et il y a beaucoup aussi de studios américains qui vont tourner là-bas à cause des décors aussi. Donc on peut visiter ça là-bas. On voit encore les décors. Donc tu pouvais voir des. Ben, on peut pas rentrer dans le tournage là, mais des fois il se peut que vous arrivez là-bas et vous tombez en plein tournage d'un film, mais ouais, vous allez regarder de loin, mais c'est quand même impressionnant de voir un peu la logistique aussi, et puis d'être là, et pourquoi pas, avec un peu de chance, être figurant. Ouais, oui, c'est sûr. Être figurant dans le film. Mais au pire, si vous n'êtes pas figurant, vous aurez pu au moins voir le film, au moins vous pourrez dire que j'y étais pendant la réalisation de ce film. J'y étais. Donc ça, c'était pour le Maroc au niveau touristique, qui est un pays très attractif. Donc je vous parlais aussi, voilà, d'exposition aussi qui va faire partie aussi de cette rubrique. Donc en Côte d'Ivoire, on part en Côte d'Ivoire, on va vous emmener un peu, ça c'est en Afrique de l'Ouest aussi. Je sais pas si tu connais un peu, t'as déjà entendu parler, pas vraiment. Un petit peu, oui. Un tout petit peu, c'est ça. Donc voilà, en Côte d'Ivoire, il y a un musée qu'on appelle le musée Elika, dans lequel on peut aller et visiter toutes les... En fait, on voit, c'est un musée de culture, genre, et là-bas sont exposées un peu les statues de différents peuples de là-bas, tout ça, et que les touristes peuvent venir voir. Et en bas, il y a comme les descriptions un peu de cette statue, elle vient de tel peuple, okay. Et c'est les statues de... On te donne un peu l'histoire aussi du peuple, tout ça. Donc, on peut visiter beaucoup déjà des statues, et pas seulement les statuettes, mais aussi des objets aussi des différents peuples. Par exemple, des fois, leurs instruments de musique, ce qu'ils utilisaient avant, leurs instruments aussi de chasse, et puis déjà voir un peu leurs accoutrements, enfin, leurs habits, ce qu'ils portaient, les tissus, tout ça. Donc c'est un musée qui regroupe un peu tout ça. Donc quand tu vas là-bas, tu peux vraiment être déjà de plonger dans l'histoire même des pays ou bien des différents peuples qui composent le pays, mais sans pour autant forcément, si t'as pas vraiment le temps de pouvoir te déplacer, voilà, dans la ville, mm-hmm. si t'es venu pour un court séjour, donc t'as pas trop le temps de rentrer vraiment dans le pays, tout ça, tu peux faire un tour dans les différents musées pour pouvoir t'informer déjà. Et puis il y a aussi, voilà, aussi d'autres destinations aussi qui sont assez proches aussi quand même, parce qu'il y a ce musée là qui est vraiment spécialisé dans les œuvres d'art. Et après, il y a aussi une association de peintres là-bas, mais là par contre c'est pas comme là je connais pas le nom de musée, je sais que c'est juste, mm-hmm. l'association des peintres de Côte d'Ivoire, et genre qui réalisent, voilà, des toiles qui sont faites un peu avec tu vas pas le croire, mais il y a certains qui les peignent avec leurs pieds, genre. Ok. C'est genre c'est comme une école pour peut-être pour personnes en déficience physique, mm-hmm. tu vois. Et vu qu'ils n'ont pas l'usage de leurs bras, ils font avec leurs pieds. Avec les pieds, ouais. Avec les pieds, mais c'est vraiment des, c'est vraiment bien réalisé, genre c'est fait mieux que même moi avec mes mains, c'est tu ça, vois. Exact, hein, c'est ça, donc fait que c'est vraiment impressionnant à les regarder. Donc ils exposent leurs œuvres. Ça c'est beaucoup du côté de Bassam. C'est une ville un peu, voilà, une ville à peut-être 1h30 de peut-être la capitale aussi, qui aura question bah, en bordure de l'eau, en bordure de mer et tout. Magnifique à visiter. Et puis il y a ça là-bas, vous pouvez voir les expositions des artistes. Donc c'est vraiment impressionnant. Et puis pourquoi pas ramener aussi voilà, quelques souvenirs, tout ça. Des artistes sont... Ben, ces artistes un peu de partout, hein, pas seulement de Côte d'Ivoire, des gens même de la sous-région qui viennent. Ben, y a d'autres qui font de la peinture, d'autres aussi de la sculpture aussi. Okay. Donc genre des pots avec des petits motifs et tout qui sont gravés dessus. C'est vraiment bien fait, c'est de l'artisanat. Et il y a d'ailleurs même une foire aussi de l'artisanat qui a lieu tous les ans. Tous les ans qui se déroulent voilà, en Côte d'Ivoire là-bas où des pays de la sous-région viennent exposer un peu leur savoir-faire. Parce qu'il y a d'autres qui... Bon, parce qu'il faut savoir que tout le monde ne construit pas de la même manière. Mm-hmm. Il y a d'autres qui peuvent utiliser tel feu, tel arbre, genre pour qu'ils trouvent plus solide. D'autres vont utiliser telle écorce ou telle branche pour peut-être réaliser des meubles. Parce que là-bas, il y a beaucoup de meubles qui sont réalisés en rotin. Ok, oui. C'est ouais, qui sont vraiment, c'est tout en bois, genre avec de la mousse. C'est vraiment très beau avec vernis et tout, c'est genre du bois. Et il y a d'autres qui peuvent réaliser ça avec peut-être de l'acacia. Ça, c'est un autre type de bois. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sculpteurs aussi, tu vois, des gens qui travaillent la matière, qui travaillent le bois, tout ça, et qui sont experts là-dedans. Pour faire des meubles et tout ça, ils exposent ça à cette foire de l'artisanat là à Abidjan. Ben je sais pas, là je pense ça a lieu généralement en été, je crois, donc pendant les mois de juin ou de juin à août généralement. Donc il faut faire un tour si on a le temps de pouvoir voir un peu la manière dont les meubles sont faits un peu dans différentes peut-être cultures de la sous-région. Et c'est vraiment vraiment différent, pourtant c'est vraiment la même matière généralement. Ouais, c'est ça. Mais chacun a sa manière d'utiliser le bois et puis de le travailler. Ce qui fait qu'on a des résultats différents. Et pour chaque pays exposant, on se retrouve avec... C'est comme si c'est du bois, mais t'es là, ça c'est du bois. Et ouais. t'es surpris parce que c'est vraiment pas travaillé de la même manière. Et ça, c'est une exposition à aller voir aussi. Pourquoi pas, et puis pouvoir découvrir ça aussi. Et puis un autre pays aussi... en matière d'art qui est assez intéressant, c'est l'Afrique du Sud. Voilà, l'Afrique du Sud qui est, je sais pas si tu connaissais un peu, mm-hmm. l'Afrique du Sud. Bon, ça c'est à la corne, c'est au sud de l'Afrique. Ouais. C'est ça, avec c'est un pays aussi au niveau culturel aussi qui est très connu, parce que voilà, on les appelle, c'est une nation arc-en-ciel, parce que c'est pas que des Africains typique, même c'est genre il y a beaucoup de colons, genre des Hollandais, des gens de d'autres nationalités, des Européens qui sont installés là-bas et gens qui vivent là-bas, ils sont sud-africains genre et tout. C'est une nation à arc-en-ciel si tu veux, mm-hmm. genre tu peux trouver vraiment de tout. C'est l'un des pays avec le plus fort taux de mixité en Afrique, fait que là-bas la culture aussi c'est un peu de partout. Donc il y a la culture un peu hollandaise, tu peux être un Hollandais et tu vas là-bas, tu vas retrouver des gens de la culture, des traces d'art hollandais et tout, alors que c'est vraiment fait par des Sud-Africains. Si tu demandes à cette personne de quelle nationalité elle est, elle te dira qu'elle est sud-africaine, ouais, tu vois. Ça. Et elle a vécu là-bas. Et donc, il y a Cape Town, qui là-bas, il y a aussi une grande école aussi d'art aussi en Afrique qui est très reconnue et qui expose aussi, voilà, qui a fait sortir aussi de grands artistes et tout, qui expose un peu partout. Donc là-bas, la culture, c'est... Un peuple qui était assez qui est peut-être le plus connu, c'est les Zoulous. C'est voilà, en tout cas c'est l'ethnie qui est majoritairement représentée là-bas. Donc un peu ils exposent aussi là-bas. Il y a aussi des musées Zoulous, un musée national, mais où on peut retrouver voilà la culture Zoulou là-bas. C'est un peuple qui sont assez des guerriers, mettons là-bas. Mais pendant la colonisation, ce qu'il faut savoir, c'est un peuple qui a su résister quand même et qui ne s'est pas laissé faire vraiment facilement. Je pense qu'ils ont même gagné, ils ont gagné beaucoup de batailles genre contre peut-être les colons, alors qu'ils n'avaient pas d'armes genre. Oh, ils avaient genre des lances et des boucliers, tu sais, contre des gens qui avaient comme des fusils et tout. Ça. Mais c'était vraiment organisé militairement parlant et tout. Ils étaient vraiment assez structurés, donc ce qui leur a permis de pouvoir lutter contre ça. Mais donc on peut découvrir l'histoire aussi de l'Afrique du Sud dans ce musée à Cape Town, genre voir les boucliers, pouvoir je suis pas sûr qu'on puisse les toucher, mais voir un peu comment on t'explique un peu comment c'est fait, genre la matière qu'ils utilisaient et combien de temps ça leur prenait pour mettre en place ces boucliers, les lances aussi, on t'explique un peu comment déjà les lances étaient fabriquées. Et puis, on peut même apprendre sur place, même à peut-être... Bon, tu ne vas pas apprendre en un jour comment faire une lance en 100 ans, mais genre peut-être être de plus près dans la fabrication, puis pouvoir... Okay. Parce que genre, c'est comme... Il y a comme des forges genre, où c'était fait. Genre, tu peux aller visiter un peu les forges. Il y a vraiment des vrais forgerons qui sont là, genre. Et qui... ouais, c'est ça, tu peux aller là-bas et voir genre vraiment de plus près vraiment les lances et tout. Et aussi l'Afrique du Sud qui est connue aussi à cause des safaris, parce que les gens vont beaucoup là-bas pour voir des animaux aussi assez exotiques, genre mettons c'est comme il y a comme un trajet en train. Mettons, tu prends le train et genre, tu traverses comme une sorte de savane, genre. Okay. Et tout ce que tu vois à côté, c'est comme des animaux. T'es vraiment dans la savane, genre. Wow. Et tu te promènes, c'est genre comme un safari, comme des petits wagons, genre. Ouais, c'est ça. Et t'es là, genre, et t'es vraiment au contact des animaux, là. Ou pour les amateurs de sensations fortes, genre. C'est comme il y a comme des parcs là-bas qui te proposent genre d'être comme en cage, mettons genre. Ok. C'est genre t'es dans le camion, mais t'es genre à l'arrière du camion, vous êtes protégé par une cage et genre là vous allez comme vraiment dans la savane, genre il y a vraiment comme des lions et des tigres genre qui se promènent autour de vous genre et vous êtes non mais cette fois-ci c'est vous qui êtes enfermé, ouais, c'est ça. Tu vois. Exactement. Ça fait drôle mettons, mais c'est plus pour la sécurité. C'est en jamais. Mais pour les amateurs de sensations fortes qui veulent être au plus près des animaux et tout, ils peuvent faire ça, soit le parc safari aussi, faire ou plus safe avec le train ou plus téméraire genre dans le camion, à l'arrière du camion, ça peut être aussi intéressant. Pour ceux qui souhaitaient découvrir l'Afrique du Sud. Fait que c'était un peu ça que j'avais à vous présenter pour ce matin, pour notre chronique l'Afrique en bref. Je pense qu'il... pour ce, voilà, donc là, on va récapituler. On a parlé du Bénin, on a parlé du Congo-Brazzaville, du Maroc. En Côte d'Ivoire, on a parlé du musée des civilisations. On a parlé de ça aussi à Cape Town. Donc il y a vraiment beaucoup de musées, mais c'est vraiment, les cultures sont tellement variées, genre t'as pas l'impression d'avoir déjà vu ça, genre c'est vrai qu'il y a certaines similitudes, mais l'histoire elle est totalement vraiment différente et c'est de belles destinations pour voilà en ce temps un peu gris, on parle un peu de soleil, de plage, ça va motiver un peu peut-être donner un peu de joie aux auditeurs et pouvoir de keep going, voilà c'est pas pire. Tout à fait. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir été avec nous ce matin pour pouvoir nous parler de tout ça. C'est, comme tu l'as dit, ça ajoute un petit peu de soleil à notre journée. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Tony. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais vraiment du genre à faire ce genre de voyage-là, de décider d'aller faire un safari. Je pense que je serais plus le genre à aller dans la cage que de rester tout simplement dans le petit train comme ça à regarder les autres autour. Au retour de la pause, eh bien, on va discuter musique, mais aussi économie, tout ça dans Assemblage requis. C'est fou, 89.1. Vous êtes toujours dans Assemblage requis. J'essaie de trouver mon thème musical là, comme ça pendant que je suis en train de vous parler. C'est merveilleux. Je suis pas sûre que ça fait vraiment le travail. Ben oui, ça fait le travail. Vous entendez comme moi? Non, on n'entend pas. Ça va pas bien, on n'entend pas. Ah là, vous entendez, voilà. J'ai décidé ce matin de vous parler un petit peu d'économie, mais aussi de vous parler de musique. Donc, dans quelques instants, je vais vous faire écouter une chanson que j'ai découverte cette fin de semaine. Vous allez voir, c'est très différent de ce que l'on entend en temps habituel. C'est sûr que ça va être un petit peu plus pop, mais je vais vous parler surtout de la personne qui a travaillé derrière cette pièce-là. L'artiste, qui est un artiste américain, ça fait déjà plusieurs années qu'il travaille dans ce domaine-là. Et quand même, il est jeune, donc je vais vous faire écouter la pièce Obsession de John Bellion avec Vice. Et au retour, je vous raconte, mais c'est qui lui? It's 2 a.m. and cold outside. Is it too late to come? Sleep at night, 'cause oh, it's 3 a.m. I'm parked outside. I'm walking to your door, oh, and I can't wait another night, 'cause oh, you're my obsession. Ooh, 25, 25, 7. I'll give you love and affection. Baby, you're my obsession. Obsession, Vice avec John Bellion. C'est qui ce fameux John Bellion là? En fait, son nom complet c'est Jonathan Bellion et il est surnommé John. Né en 90, donc quand même très jeune, chanteur, compositeur, producteur et aussi rappeur. Il est né et il a grandi à Long Island dans l'État de New York. J'adore cette chanson-là, c'est quand même pop, mais il y a aussi beaucoup de production électronique derrière tout ça. Et c'est un petit peu le style que John Bellion fait justement avec Vice, surtout sur cette pièce-là, mais sur d'autres aussi que vous faites entendre un petit peu partout sur YouTube ou si vous cherchez tout simplement sur Google, c'est sûr et certain que vous allez tomber sur une production qu'il a fait. Donc, Bellion a sorti 4 mixtapes. La plus récente, c'est The Definition, qui est sortie en 2014. Et il est actuellement signé chez le label Visionary Music Group et Capitol Records. Donc, la première étape du mixtape, en fait, le premier mixtape, qui était Scattered Thoughts Volume 1, est sorti depuis 2011. Et sur sa page Facebook, il a atteint plus de 11 000 téléchargements avec juste le premier qu'il a fait. Et Bellion a composé et produit toutes ses musiques lui-même. Il a signé avec Visionary Music Group un petit peu plus tard en 2012. Et c'est là qu'il a sorti une reprise de Drake qui était de moto sur la page YouTube de son label. Et ça, ça l'a fait jaser beaucoup parce que la vidéo a été vue vraiment à plusieurs reprises. Donc en 2013, il a écrit le couplet de la chanson de The Monster de Eminem en duo avec Rihanna. C'est lui qui a participé à ça. C'est une chanson qui a aussi remporté un Grammy Award en 2015. Je pense que comme tout le monde connaît cette chanson-là. Et Bellion a aussi co-écrit et produit la chanson Trumpets de Jason Derulo en 2012. Donc, on parle d'un producteur, un compositeur qui est vraiment versatile, en fait, parce qu'on a des styles quand même assez différents. Si je regarde entre Jason Derulo et Eminem, c'est sûr que c'est deux choses bien différentes. On a sorti par la suite un quatrième projet qui était appelé The Definition sous le label de Visionary Music Group en 2014. Et c'est là qu'il a lancé sa première tournée nationale qui s'appelait The Beautiful Mind Tour en 2014. Il a sorti par la suite 3 morceaux début 2015. Ça se fait quand même assez souvent ça par des producteurs ou encore des artistes qui sont quasiment, je veux pas dire indépendants, mais quasiment plus underground parfois. Tu sais, c'est sûr que une pièce qui peut pas nécessairement jouer dans toutes les stations de radio, c'est beaucoup plus facile de la laisser aller sur internet maintenant, de la faire écouter à plusieurs reprises sur YouTube que d'essayer de la faire sortir dans les stations. Donc c'est un petit peu ce qu'on a fait du côté de Bellion. On a lancé beaucoup de tunes un petit peu partout sur internet et on a annoncé à ce moment-là notre deuxième tournée nationale vu le succès qu'il avait sur internet. Et la tournée s'appelait The Definition Tour, donc ça a commencé en mai 2015 et ça s'est fini en juillet 2015, donc on parle quand même d'une bonne tournée. Et il a aussi donné sa voix pour le morceau Beautiful Now, qui est un extrait de l'album de Zed, un autre producteur électronique, donc qui était sorti en 2015. On est aussi présent sur plusieurs disques de rappeurs, de chanteurs, surtout en production et en co-écriture, donc c'est vraiment cool de voir ça. Et Bellion a sorti plusieurs versions acoustiques aussi des chansons de l'album de The Definition. Il a publié par exemple All Time Low en février 2016, puis Human aussi acoustique en mars 2016. Le 10 juin 2016, il a sorti un premier album solo qui s'appelait The Human Condition, qui s'est retrouvé sur lequel on a pu retrouver justement All Time Low en acoustique et aussi en version originale. Donc on a reconnu plusieurs fois que c'est un très bon producteur. On travaille avec plusieurs grands artistes de ce côté-là et lui-même a reconnu plusieurs fois que Kanye West, bon c'est peut-être pas la meilleure le meilleur, mais on l'a reconnu que c'était une grande inspiration parce qu'il aimait beaucoup ce que Kanye West faisait pour faire changer les choses. C'est ce qu'il a confessé dans une entrevue au Huffington Post. Et c'est aussi la raison pour laquelle Bellion a abandonné l'université. C'est de pouvoir se consacrer entièrement à toute la musique qu'il faisait. Donc, il a dit être aussi influencé par Coldplay, John Mayer et plusieurs autres. Si jamais ça vous intéresse, comme je le disais, vous pouvez aller écouter plusieurs de ces pièces sur YouTube. Surtout, la plupart du temps, c'est là qu'on va retrouver tout ça. J'ai aussi un autre artiste que je veux vous faire écouter. C'est un petit peu mon segment découverte musicale de la fin de semaine. Vous allez voir, j'essaie de trouver la bonne. Je veux pas vous faire écouter n'importe quoi. Donc, en même temps, c'est sûr que... On parle de producteurs qui, la plupart du temps, vont travailler avec d'autres artistes. Donc, c'est sûr qu'à un certain point, si on travaille sur une production qui va être beaucoup plus électronique, À certains moments, vous allez entendre moins l'artiste parce qu'il va être beaucoup plus derrière le travail qui va être fait derrière l'artiste beaucoup plus connu, en fait. Et c'est comme ça qu'on va arriver à les connaître. C'est parce que ces fameux grands artistes-là vont avoir mentionné ces artistes, ces producteurs et ces co-compositeurs-là sur que ce soit des albums, que ce soit sur leur page Facebook et tout ça. C'est un petit peu comme ça maintenant qu'on est capable de savoir qui sont les producteurs et qui... tu sais, on travaille un petit peu moins dans l'ombre du côté des producteurs. La prochaine pièce que je vais vous faire écouter, c'est Feel Good de Griffin et Illenium. La personne dont je vais vous parler, c'est vraiment Illenium, mais vous allez entendre trois artistes, c'est-à-dire Griffin, Illenium et Daya sur la pièce Feel Good. Yeah, I doubt myself, and I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with the high. Feel Good, Griffin et Illenium avec Daya. C'est sûr que ça sonnait beaucoup pop à cause de la voix de Daya. C'est sûr que c'est une artiste pop. Mais ce que je voulais surtout que vous entendiez, c'est la production du DJ derrière qui, lui, est Illenium. C'est un artiste qui est connu quand même à plusieurs endroits, disons-le comme ça. Son nom, en fait, c'est Nick Miller, mais il est bien mieux connu sous le nom de Illenium. C'est un DJ américain, producteur aussi. On travaille depuis des années, maintenant depuis 2008, sur la production qu'il fait du côté électronique. C'est sûr qu'on parle plus d'électronique dance, parce que ce sont la plupart du temps des pièces qui vont pouvoir jouer dans des clubs ou encore dans des gros festivals de musique électronique. Et donc, après tout ça, il a réussi à faire son nom. C'est en 2013, en fait, qu'il a commencé ses grands débuts là, dans le monde de la musique quasiment dite contemporaine, là, où on pouvait l'entendre à la radio et tout ça, parce qu'on avait lancé notre premier IP nous-mêmes sur Internet de son côté. Et en 2016, il a lancé avec Kazaya Recordings plusieurs albums et en février 2016, eh bien, il a lui-même lancé son premier album solo qui s'appelle Ashes. Ça a été un CD qui pouvait être downloadé de façon gratuite via Kazaya Recording et le label Mr. Suicide Chips. Donc, de ce côté-là, il a décidé de faire des pièces qui étaient très, très électro. On parle d'un bon nombre de pièces qui s'est ramassé aussi dans des palmarès, dans des billboards. Donc, l'album a été disponible aussi en vinyle à partir de mars 2016. Et plus tard, on est rentré dans la tournée Ashes, qui s'est conclu en décembre. On parle de plusieurs albums qui sont sortis aussi dans ce temps-là, plusieurs pièces qui sont sorties dans ce temps-là. Donc, la vie d'un DJ, c'est souvent porté derrière l'artiste qui va être avec nous, qui va être sur nos pièces et tout ça. Mais dans la vie personnelle de Illenium, en fait, ce qui est le fun d'entendre les artistes dire, c'est que oui, on connaît tous ou presque tous des DJ en tant qu'artistes, mais Nick Miller, c'est Nick Miller, c'est-à-dire c'est Illenium. C'est difficile de pouvoir reproduire ce que lui reproduit parce qu'il va surtout avec les émotions et on essaie de créer avec les hauts et les bas des pulsions cardiaques des gens qui vont se retrouver dans la pièce ou qui vont se retrouver, par exemple, dans un festival de musique. Donc, de ce côté-là, c'est le fun de voir à quel point il peut mélanger tout ça pour que la personne qui va écouter et pour que l'auditeur, en fait, ait une expérience hors du commun avec ce que lui va créer comme beat. Ce que je trouve quand même assez remarquable. Il poste souvent sur ses médias sociaux, donc si jamais ça vous intéresse et si jamais vous voulez le suivre, c'est Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, toutes ces sphères de médias sociaux-là. C'est une des... les meilleures places où vous pouvez suivre le DJ et voir surtout les nouvelles pièces qui vont sortir. Parce qu'on parle d'émotions quand même, d'émotions deep, de complexité, mais aussi de la beauté de la musique dans tout ça. Et apparemment que Illenium, c'est un des excellents DJ qu'on peut écouter sans relâche, sans nécessairement à un moment donné être tanné de ce qui se passe entre nos deux oreilles. C'est sûr que c'est pas du gros électro de fou, là. Je veux pas dire de fou, mais c'est sûr que c'est de l'électro qui est pop. Donc, de ce côté-là, Illenium, il a réussi à se faire quand même une bonne crédibilité au niveau des gens qui écoutaient les pièces. Et moi, j'ai adoré ça. Au retour, on va faire petit segment sport. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est parce qu'en temps normal, le lundi, il y a sport et flushé. Mais là, vous le savez, toutes nos équipes ont quasiment fini, mais je vais quand même vous parler un petit peu de sport et par la suite, on va terminer l'émission avec Mathieu Plante et aussi un petit peu d'économie. Tout ça, retour. Vous êtes assez fous. 89.1. Vous êtes toujours dans l'assemblage Reiki à Cifou 89.1 FM. Tania Baudin, pas mal toute seule dans son studio. On a eu Dominique Mavungu un petit peu plus tôt, mais pour le moment, je suis toute seule. Je devrais rester toute seule. J'ai essayé de contacter Mathieu Plante parce que Mathieu fait quelques interventions parfois téléphoniques comme ça depuis qu'il est chez lui. Malheureusement, on ne peut pas sortir, surtout pas dans une journée comme ça. Mais semble avoir un problème de communication entre Mathieu et moi pour le moment. Je suis pas capable de le rejoindre, donc ça va pas bien. Mais je vous disais que je voulais faire quasiment une mini-chronique, même pas. C'est même pas une mini-chronique, c'est une nouvelle, tout simplement, de sport en remplacement de la chronique habituelle de sport et flusher. Je veux vous parler, en fait, de Frank Bourgeois, qui est un planchiste trifluvien d'ici, qui est allé participer aux X Games et qui a remporté une médaille d'or. Premièrement, félicitations. À la suite de cette médaille d'or, là, on reçoit aussi une bourse de 20 000 $ des X Games. Mais attention, pas pour un exploit sur les pistes ou quoi que ce soit. C'est sûr que oui, veut pas, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Mais Francis Bourgeois a surtout remporté cette médaille d'or-là et ce 20 000 $-là pour une vidéo qui a été produite avec des amis dans laquelle on le voit, entre autres, sauter par-dessus la côte Plouffe ici à Trois-Rivières. Donc cette fois-ci, Francis Bourgeois n'a pas laissé de chance au juge parce que l'année dernière, malheureusement, la première place nous avait échappé de si peu. Et le planchiste trifluvien a remporté cette fin de semaine le prix du concours Real Snow des X Games. Donc, qu'est-ce que c'était exactement? Bien, c'était une vidéo d'une minute et demie dans laquelle on pouvait voir le planchiste faire de la planche, bien évidemment, mais sur plusieurs structures urbaines. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait le voir, par exemple, sauter par-dessus un toit d'école. On pouvait le voir sauter par-dessus une sortie d'autoroute dans ce genre-là. Si on parle, par exemple, de la côte Plouffe, ça ressemblait quasiment à ça. Donc, l'athlète de 26 ans était vraiment très heureux de pouvoir grimper sur la plus haute marche du podium parce que l'année dernière, on avait réalisé une vidéo dans le même genre, mais on n'avait malheureusement pas pu gagner. Et cette vidéo-là, ça a pris très peu de temps pour le réaliser, dans laquelle, justement, on retrouve une quinzaine de séquences où on se retrouve à Trois-Rivières, un petit peu partout à Trois-Rivières. Il y a aussi des séquences où on est à Québec. Donc, le planchiste dit qu'il est fier d'avoir créé une vidéo en si peu de temps. Il n'a pas fait de planche de l'été à la suite d'une blessure l'année dernière et il a été en mesure de gagner. Donc, il a été à fond. Il s'est dit « Je suis jeune, je suis capable de le faire ». Il était limité dans le temps parce que son équipe de captation était disponible juste les vendredis, samedis, dimanches, puisque bien évidemment, on travaille le reste de la semaine. Donc, il fallait qu'il revienne chez lui après la fin de semaine avec au moins deux séquences, ce qui a quand même été difficile à faire à plusieurs reprises. On a commencé le projet le 20 décembre et on l'a terminé, ça fait pas très très longtemps. Donc, on gardait le secret depuis la mi-février qu'il était le récipiendaire du prestigieux prix. Lui, il le savait, mais pas le choix. On devait garder ça secret un petit peu. Et la chaîne américaine ABC diffusait ce week-end une émission qui était reliée au concours justement avec des entrevues qui avaient déjà été réalisées. Et quant au vote du public, eh bien, ça donnait une bourse de 5 000 $. Les résultats vont être dévoilés aujourd'hui pour les résultats du public. Donc, Frank, c'est un des meilleurs planchistes sur rail au monde et pourtant il n'a même pas de commanditaire pour sa planche. Il fait ça parce qu'il aime le snowboard, il veut repousser ses limites. Et pour Eddie Wall, qui fait partie du jury de sélection, eh bien, c'est un des facteurs qui fait qu'il a beaucoup de respect pour lui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il a donné beaucoup de points à Frank Bourgeois. Donc, la côte Plouffe dans le vidéo, c'est une côte qui se retrouve un petit peu en vedette. Je vais mettre le lien du vidéo sur la page Facebook d'Assemblage Reiki. C'est une minute et demie et Frank Bourgeois s'est payé vraiment un vieux rêve dans sa vidéo en sautant au-dessus de la côte Plouffe à Trois-Rivières. C'est une image qui a fait son bout de chemin sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs trifluviens qui l'ont partagé un petit peu partout sur Facebook et dans les derniers jours surtout. Et on estime que la séquence a donné le ton au reste de l'œuvre un petit peu. On a vraiment voulu mettre cette séquence-là en gros plan dans la vidéo. Et c'est aussi un petit peu ce qu'on retient fortement du vidéo pour ceux qui sont trifluviens. On le sait, la côte Plouffe, c'est super beau et c'est surtout impressionnant de voir un gars sauter par-dessus la côte Plouffe en snowboard. Donc, il était content d'avoir cette séquence-là parce que ça faisait quelques années qu'il pensait à justement sauter par-dessus cette côte-là. Et on l'a mis au début du vidéo. Ça donne une intensité à ce qui allait suivre justement durant la minute et demie qui allait suivre dans le vidéo. Ça faisait un mois qu'il avait préparé l'atterrissage, mais ils l'ont filmé la dernière journée du tournage, donc le 30 janvier, parce qu'il fallait remettre les vidéos le 31. Donc, on a dû se pratiquer à quelques reprises. Moi, je me souviens de Francis Bourgeois lorsqu'il était plus jeune. Il y a déjà de ça quelques années où la sécurité publique n'était pas trop certaine de ce qu'on pouvait faire avec les planchistes qui sautaient un petit peu partout. Je me souviens que Frank Bourgeois avait partagé certaines vidéos où justement il se faisait avertir de ne pas sauter à certains endroits parce que ça pouvait être dangereux pour lui comme ça pouvait être dangereux pour certaines personnes. Mais là, je pense que dans cette vidéo-là, la ville de Trois-Rivières devrait être quand même contente. Donc, on parle d'une bourse de 20 000 $ qui a été remise aux gagnants du concours et Bourgeois compte la placer en sécurité, c'est ce qu'il dit. Avec la situation économique précaire du monde des sports extrêmes, il n'est pas nécessairement question de faire des folies, surtout que c'est impossible pour lui d'être assuré en cas de blessure parce que c'est un sport extrême. Il y a plusieurs athlètes comme ça qui pratiquent certains sports où ça devient difficile, en fait, de pouvoir avoir une assurance en cas de blessure. Donc, c'est pourquoi il espère que la visibilité que le vidéo a amenée va pouvoir attirer un commanditaire à un certain point et il va pouvoir laisser de côté aussi son emploi en construction pendant quelques semaines de l'été afin de pouvoir s'attaquer aux pentes de l'hémisphère sud. Et justement, pouvoir parfaire son art. Donc, dans le temps, c'était 50 000 $ la bourse aux X Games. Lui, il espère que ça va l'aider. Ça fait longtemps qu'il se dit qu'il veut lâcher, mais il l'a jamais fait. Et il y en a qui sont bien payés pour faire ce sport-là. Alors que lui, bien, il risque sa vie ou un accident pas mal à chaque fois par manque de commanditaire. Donc, on sait jamais ce qui peut arriver. Si la médaille d'or peut l'aider, il en serait content et il est habitué. C'est ce qu'il dit. Donc, on espère, en fait, que cette vidéo-là va amener une espèce de visibilité à Frank Bourgeois qui va pouvoir lui amener un certain commanditaire à un certain point parce que de pratiquer son sport comme ça, en cas extrême, comme il le fait, c'est quand même assez difficile. Je disais tout à l'heure aussi qu'on allait parler économie. Bien oui, on va parler économie parce que j'ai fait quelques lectures au cours de la fin de semaine et je suis tombée sur un article qui parle des Québécois qui dépensent en ligne, qui ont dépensé en fait en ligne en 2016 beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. C'est un article sur le site lesaffaires.com. En fait, les internautes québécois ont dépensé 8,5 milliards de dollars en ligne en 2016. On en parle de plus en plus. Que ce soit les achats en ligne ou que ce soit la technologie de tout ce qui est commerce en ligne, mais on ignore quelle proportion de ce montant-là qui a été dépensé à l'extérieur de la province. Donc oui, tu peux te dire les Québécois ont dépensé 8,5 milliards de dollars, mais il y en a peut-être, je sais pas moi, 7,3 milliards qui ont été dépensés aux États-Unis. Tu sais, on n'est pas capable de mettre encore le montant sur où ça a été dépensé, mais c'est un montant qui constitue quand même une augmentation de 6 % par rapport aux dépenses de 8 milliards de dollars qui étaient compilées en 2015. Donc ça, c'est une recherche qui a été faite par le Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations. Et dans une précédente édition de l'indice du commerce électronique au Québec, on indiquait que 75 % de l'argent qui était dépensé en ligne par les adultes québécois sortait de la province. On n'est pas nécessairement capable de la garder à l'intérieur. Donc, cette donnée n'a pas été mesurée dans la présente étude, mais on pense que ça l'a beaucoup changé. C'est ce qu'estime Claire Bourget, qui est directrice principale de la recherche marketing au CFRIO. Et cette dernière participait justement la semaine dernière au sommet HOP 2017 qui est organisé par le Conseil québécois du commerce du détail. Et si on extrapole la donnée aux dépenses en ligne comptabilisées au Québec en 2016, ça voudrait dire que la fuite de l'argent à l'extérieur de la province se chiffrait à près de 6,38 milliards de dollars pour une seule année. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand argent sur le 8 milliards qui nous revient ici au Québec. C'est un bassin de cyberacheteurs qui stagne un petit peu. En fait, l'étude soutient qu'il y a 57 % des adultes québécois qui ont réalisé des achats en ligne en 2016, comparativement à 58,1 % un an plus tôt, donc en 2015. et on constate qu'il y a comme une stagnation du nombre d'adultes québécois qui font des achats en ligne présentement, mais ceux qui le font dépensent un peu plus. Donc, c'est comme un mal pour un bien à un certain point. Et le panier moyen d'achat est de 309 $. C'était de 309 $ en 2015, pardon, et c'est passé de 325 en 2015. Donc, on parle d'une hausse de 5 % et si les produits les plus populaires auprès des cyber-acheteurs ont été les articles de mode, comme par exemple les vêtements, les bijoux, les chaussures, les accessoires, ça représente 30 % quand même. Bien, les spectacles, les sorties, les repas au restaurant, eux, représentent 29 % et si on y va, par exemple, pour le matériel électronique, c'est simplement 26 %. Moi, je croyais que ça allait être beaucoup plus élevé pour le matériel électronique, par exemple, pour les sorties et tout ça, mais il semblerait que non. Et le document rapporte que, peu importe l'âge, l'ordinateur reste à 79 % le moyen le plus utilisé par les cyberacheteurs québécois pour faire leur achat en ligne. Donc, on a utilisé à hauteur de 44 % les achats en ligne, le téléphone intelligent, la tablette. Tout ça, ça a enregistré une hausse de 28 points, respectivement, à 2015. Donc, on commence à acheter de plus en plus. En termes de chiffres, c'est-à-dire en termes du montant total de la facture versus le nombre de personnes qui achètent. On a moins de gens, mais on achète plus. C'est peut-être tout simplement au niveau de la confiance qu'on a envers l'endroit où on achète. Pour discuter encore économie, contrairement à dépenser, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un petit peu plus d'argent dans notre compte en banque en 2017? Bien, j'ai quelques petits trucs pour vous qu'on oublie quand même assez souvent. C'est quelque chose dont on discute quand même assez couramment, Mathieu et moi, parce que les deux, bon, on essaie de faire attention à notre compte en banque, on essaie de conserver un petit peu notre argent. Donc, de ce côté-là, ça arrive souvent qu'on a des chroniques semblables où on parle justement d'économie, on parle d'essayer de faire des économies, surtout, je dis bien essayer. Mais j'ai quelques trucs, encore une fois, pour vous par rapport à ça. Le premier point, c'est d'avoir un moment dans la semaine où on va préparer nos repas. Donc, lorsqu'on parle de dépenses superflues, on pense directement au restaurant. Il n'y a rien de plus simple au bout du compte que de se faire ses propres lunchs et de manger chez soi le soir au lieu de dépenser, par exemple, des dizaines ou peut-être même des vingtaines de dollars inutilement chaque semaine pour manger. Donc, le truc personnel, c'est de consacrer, par exemple, notre dimanche ou, comme je le disais tout à l'heure, une journée de congé qu'on a dans la semaine à préparer nos repas de la semaine et aussi notre épicerie. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Par la suite, le deuxième point, c'est de se faire un budget qui est réaliste. C'est beau de se dire qu'on n'ira pas au restaurant du tout durant un mois, mais ça se peut bien qu'en cours de route, on craque ou on ait un imprévu, je sais pas moi, l'anniversaire d'une amie, on pensait pas y aller ou peu importe. Donc, l'important, c'est d'être au courant du réel budget qu'on a besoin dans un mois. C'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment commencer à faire des économies et non pas avoir des imprévus à chaque fois qu'on pense à arriver à pouvoir faire un budget. Le troisième point, c'est de payer un minimum pour nos services qui sont essentiels. Donc, il y a des dépenses, par exemple, qu'on peut tout simplement pas se passer, comme le loyer, la nourriture, facture de téléphone et tout ça. Et l'important, c'est de se prendre d'avance et magasiner, peu importe le besoin. Ça veut dire, si on a besoin d'un téléphone cellulaire, bien pour le téléphone cellulaire, par exemple, Vidéotron va offrir des bons forfaits à des prix abordables. Faut qu'on se mette un petit peu plus à l'affût de magasiner, entre guillemets. Ça, c'est-à-dire de regarder les offres. On est pas mal du style, les Québécois, à se dire, ben, je vais prendre le premier parce que c'est pas mal moins compliqué. Puis, tu sais, ça fait combien de temps que vous êtes avec le même fournisseur de téléphonie mobile? Moi, je sais que ça fait vraiment très longtemps et que j'aimerais probablement changer selon les forfaits qu'on m'offre ailleurs. Donc là, si on passe autant de temps à envoyer des textes, des tweets, à aller sur Internet, partager et faire toutes sortes d'activités sur notre téléphone intelligent, eh bien, on devrait peut-être plus les magasiner que tout simplement prendre ce qui passe. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est de surveiller les soldes au lieu de dépenser justement n'importe quand. La tentative est quand même assez là. Elle est quand même partout, un petit peu autour de nous. Qu'on marche dans les rues, qu'on reste chez soi pour magasiner en ligne. En fait, le truc, c'est de se mettre une date. que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année, tout dépendant de l'achat, là, bien évidemment. Et on se promet de ne pas se laisser tenter avant cette fameuse date-là. Donc, rendu là, ça dépend de votre contrôle personnel. Ça dépend aussi de combien vous vous allouez pour cette fameuse journée-là. Mais si vous vous dites, OK, toute la semaine, je ne vais pas dépenser et, le dimanche après-midi, je vais aller magasiner, j'ai le droit à temps. Eh bien là, vous savez que tout le long de la semaine, vous allez avoir quelque chose à la fin que vous désirez et que vous aimez. Donc, on doit à un certain point surveiller les soldes du mieux qu'on peut. Par la suite, c'est de lire le livre « En as-tu vraiment besoin? » Ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ce fameux petit livre-là. On a vu passer ce livre-là sur les réseaux sociaux depuis sa sortie. En fait, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui se l'ont procuré. Et on pense que c'est assez efficace et pertinent pour pouvoir arriver à faire certaines économies dans le futur. Donc, dans l'ère de consommation dans laquelle on est, dans laquelle on baigne présentement, c'est pas toujours évident de vraiment s'arrêter pour réaliser à quel point notre niveau de consommation est raisonnable ou pas partout. Et il y a une petite lecture comme ça, ça peut pas faire de mal à personne, c'est simplement, ça va vous replacer les idées à bonne place, ça va vous faire poser les bonnes questions, et c'est comme ça que vous allez être capable de savoir qu'est-ce que vous devez changer selon votre comportement pour pouvoir arriver à faire quelques économies si vous avez besoin d'économiser. Le point numéro 6, c'est d'opter pour les transports en commun ou le covoiturage. Ça, c'est sûr que c'est un point qui peut s'appliquer pas mal plus si vous vivez dans la ville de Montréal, vu qu'il y a le métro, il y a plusieurs transports en commun comme ça. Si vous venez ici, si vous êtes ici à Trois-Rivières, bien, on est désolé de vous apprendre qu'il n'y a pas de métro. Donc, c'est quand même un petit peu plus difficile, mais le covoiturage, ça reste quand même une bonne option. Donc, que ce soit pour une partie de l'année, par exemple, si vous êtes... si vous êtes trois dans votre appartement, il y en a trois qui ont une voiture, puis les trois, vous utilisez chacune votre voiture pour vous rendre à l'université à la même heure à chaque jour. Ça peut, au bout du compte, être un avantage pour votre budget personnel que de faire du covoiturage. C'est-à-dire, une fois par semaine, vous allez vous échanger le besoin ou le devoir d'amener les autres à l'école. Donc, toute l'année, littéralement, une auto, ça coûte excessivement cher comparé au transport en commun. Et personnellement, bien, un de nos plaisirs, c'est vraiment de réaliser combien on économise à chaque mois lorsqu'on utilise des transports en commun ou le covoiturage. Moi, je me souviens que lorsque j'étais à Montréal, si j'utilisais pas ma voiture, j'utilisais le métro et j'adorais voir la différence entre combien est-ce que ça m'aurait coûté avec ma voiture versus combien est-ce que ça m'a coûté avec le transport en commun. Donc, on économise quand même beaucoup et on ne doit pas payer à terme si on utilise le transport en commun. Donc, contrairement à la voiture, l'essence, les assurances, les possibles réparations sur une voiture, c'est quand même assez coûteux. Donc, on peut s'acheter la paix avec les autobus, le covoiturage entre amis, les taxis parfois. Tu sais, il n'y a rien de mieux pour son portefeuille que de se dire, bon, on est trois dans le même taxi à soir, on split le bill puis that's it, là, t'sais. Donc, de ce côté-là, c'est pas mal plus efficace parfois pour notre portefeuille. Il y a aussi le point où on peut profiter des activités gratuites de la ville. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on peut avoir du fun pour absolument 0$ dans une ville. Et on doit surveiller, en fait, les articles, le tourisme et tout ça, tout ce genre d'activités-là qui sort de nos villes pour se dire qu'on n'aura pas nécessairement besoin de dépenser un 20-30$ pour se payer une paire de billets de quelque chose. On peut tout simplement aller participer à des activités qui vont être gratuites et qui vont nous garantir du plaisir. Le point numéro 8, c'est d'emprunter au lieu d'acheter. J'explique. Que ce soit des livres à la bibliothèque ou des vêtements de nos amis, c'est sûr que là, vous devez avoir, mettons, la même taille et tout ça, mais il y a toujours un moyen de faire un échange, un emprunt, que tout le monde trouve son compte. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, comme je disais, échanger vos livres ou encore échanger vos vêtements. C'est sûr que échangez pas votre brosse à dents, là, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez échanger avec vos amis et ça va faire en sorte que vous n'aurez pas besoin de dépenser, par exemple, je sais pas moi, 15$ pour devoir lire un livre que vous voulez lire depuis 3 mois. Vous allez tout simplement avoir l'option d'aller cogner chez votre ami qui a une grande bibliothèque et voir si elle n'a pas ce livre-là ou un autre livre qui vous tenterait peut-être. L'avant-dernier point, c'est de mettre tout son change dans un petit pot. Là, on revient à la base. Là. Ça, c'est quasiment le petit cochon là, quand on était jeune. Mais si ça fonctionnait quand on était jeune, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas quand on est vieux. Donc, on doit tout simplement mettre son change dans un petit pot. C'est sûr qu'un pot avec lequel on est moins porté à l'ouvrir tout le temps, ça va pouvoir aider notre cause si on est du genre à, je sais pas moi, prendre 2, 3, 25 cents à la fois. Les petits cochons, c'était bon pour ça. C'est que si on voulait ouvrir le petit cochon, on devait le virer de bord. Souvent, on devait demander à nos parents aussi. Et c'était tout le temps du caoutchouc difficile à enlever et à remettre sous les petits cochons. Donc, de ce côté-là, trouvez-vous quelque chose qui est semblable, qui va être assez difficile à ouvrir ou qui va être cachable facilement. Ça veut dire que vous allez pouvoir le mettre dedans, mais vous serez pas porté à aller chercher l'argent qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est une pas pire idée. Je devrais peut-être checker ça pour mon propre portefeuille. Et le dernier point, c'est de mettre de l'argent de côté pour le futur. Donc, que ce soit 5 $ par semaine ou n'importe quel montant à chacune de nos payes, c'est en économisant au fur et à mesure qu'on peut se mettre justement des projets à long terme sans trop s'en apercevoir. Et c'est là qu'on va avoir l'argent pour les faire, ces fameux projets-là. Donc, en plus d'avoir un compte épargne qui n'est pas nécessairement à zéro, bien, on va être responsable du futur projet que l'on va avoir entre les mains. Et c'est à ce moment-là qu'on va être la plupart du temps très content. Moi, j'ai hâte de voir. Je pense que je vais l'essayer. Je vais essayer de l'essayer. Ça, la fille est pas sûre d'elle, mais pas partout. On va écouter Paupière avec Sans Elle et au retour, eh bien Mathieu Plante va être au téléphone avec nous. Tous les deux me rendraient heureux. paupières sans ailes, une autre pièce du palmarès francophone qu'on aime beaucoup. Je viens de me rendre compte, en fait, que j'ai quasiment fait jouer toutes les pièces du palmarès francophone et anglophone que j'aime beaucoup. Et au téléphone, avec moi, j'ai Mathieu Plante. Hey, salut, Tania, ça va? Ça va très bien, merci, toi? Oui, absolument. C'est la première fois que j'entendais cette pièce-là de paupières et je l'adore. Bien, je crois que c'est une des nouvelles entrées du palmarès de la semaine dernière. Oui. Et il n'y a pas de palmarès en ce moment, mais en tout cas, ça joue tout ça. Il n'y a pas de ni toi ni moi, je pense, au palmarès. Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai remarqué tantôt que tu avais un petit reniflement pendant ta chronique? Est-ce que ça annonce un rhume qui s'en vient puis on n'aura pas d'émission? Je vois pas de quoi tu parles, mais non. Non? Non? j'ai la voix d'une fille qui avait son anniversaire en fin de semaine, c'est juste ça. C'est vrai, bonne fête. Hey, merci beaucoup. C'est fun, j'ai eu ma fête juste avant aussi, puis là, ben, t'as ta fête, puis on peut pas se voir parce que, ben, je suis pas là. C'est vrai. Je suis dans un endroit top secret en ce moment. En moins? Hey, ouh! Un peu comme Donald Trump quand ça va jouer au golf. Ouais, pareil. Est-ce que t'es en train de me dire que t'es sortie de chez toi aujourd'hui? Sortie de chez moi. Mais pas de la région, parce que j'ai pas le droit. OK, donc, t'as marché. J'ai marché. Tu t'es pas planté? Pas planté, non, pas encore. Je fais bien beaucoup plus attention. OK, c'est bon, on aime ça. Mais bon, de toute façon, ce que je voulais dire pour commencer, c'est que j'ai pas pu écouter le début de l'émission, mais je me suis réveillé dans le milieu de la nuit en me grattant le bras, comme début. Ah, mon Dieu, OK. Ça va pas très, très bien là-dessus. Puis après ça, je me suis rendormi, mais tes lundis sont difficiles. T'as pas encore personne avec toi pour co-animer? Non, c'est ça exactement. Dans la plate, mais le reste de la semaine, ça va bien arriver. Ben oui, définitivement. J'espère. Parce que non seulement c'est difficile les lundis, mais en plus, j'ai... En tout cas, je sais pas, tu me diras si j'ai tort, mais j'ai appris que peut-être que avec le retrait du plâtre et la physiothérapie, peut-être que ça se pourrait que je recommence pas le 4 avril. Je suis pas au courant, moi. Ah ouais? Je savais pas, moi, parce que moi, je pensais que tu enlèves le plâtre le 3 avril, puis après ça, le 4 avril, tu travailles à 7h30 le matin sans problème. Ben oui, moi aussi. Mais je sais pas, peut-être que ce sera un retour progressif, peut-être que je pourrais demander qu'est-ce qu'il y a de possibilité de faire avec c'est ça. C'est ça, deux matins sur quatre. Ouais, genre, ou juste animer le matin et puis sacrer mon camp après. Oui, c'est ça. Ah, non, on a hâte de savoir. J'ai hâte aussi dans pas mal tout dans la vie. Mais justement, c'est un des bons conseils, comme tu as dit tantôt, les conseils pour économiser de l'argent. Brisez-vous le bras, allez pas travailler, puis vous allez quasiment pas dépenser. Ouais, c'est sûr. Hein? Si tu restes chez vous dans ton salon, moins de chances que tu dépenses. Vraiment, c'est très bon pour mon portefeuille. Bref, tout ça pour dire que j'ai évidemment des jeux de mots pour toi. Ben oui! Ben oui. Tu sais, jusqu'à maintenant, on avait fait, bon, tranquilloser, Netflix and Pill, reparaisser, ménagérer, hyperventilation, hiver et chômage. Hein, faut les rater pour avoir à la fin un résumé complet. Oui. Aujourd'hui, ça va peut-être te donner des indices sur les activités que j'ai fait depuis les derniers jours. Donc, je commence avec abuffer. Abuffer. Comme dans un abus de buffet. Ouais. Que j'étais vraiment mal au ventre. Donc, un abuffet. J'ai peut-être mangé beaucoup. Hein? Probablement. Et après ça, je t'offre oncle incarné. Oh mon Dieu, OK. Dans une situation familiale ou autre, t'as quelqu'un qui vient tout le temps s'imposer dans la conversation. Donc, c'est un oncle incarné. Ah, OK. Fait que finalement, t'es en train de nous dire que t'as eu un party de famille dans un buffet puis ton oncle n'arrêtait pas de s'incarner. Tu peux imaginer ce que tu veux. Moi, je suis top secret. OK, c'est bon. Bien, mon Dieu! Ouais. Ce sont des bons jeux de mots. Ben merci, Colin. Ça avance. Là. On a de plus en plus. Puis si, en plus, j'ai plus de jours que prévu à ce congé-là, ben Colin, on aura un dictionnaire complet. Ben oui, c'est ça. Exactement. Un glaçard de glazette? Tout à fait. Ce sont des jeux de mots qui sont même pas drôles. Un glaçard de glazette. Mathieu, si tu me le permets, je vais te présenter ce que tu vas pouvoir écouter tout le restant de la journée. Ah, ça, c'est une bonne idée. J'ai rien à foutre. Ben, c'est ça que je me suis dit, parce que ça fait quand même quelques fois qu'on se parle au téléphone, puis je me dis, c'est sûr qu'une des personnes qui doit nous écouter pas mal toute la journée, c'est Mathieu durant ces derniers jours. C'est fidèle. C'est ça, exactement. Donc, à 9h30, tu vas pouvoir écouter C'est fou le sexe, l'émission d'éducation sexuelle. Ils sont déjà près de la porte, là, sont prêts à rentrer en onde tout de suite après moi. Populé partout. C'est ça. Par la suite, tu vas pouvoir écouter La sortie de secours est à votre compte. Gauche qui va être de 11h à midi. Rock Classique va être en rediffusion jusqu'à 18h. Rock de Neurone va être en onde à 20h ce soir. Donc, tu as quand même une grosse journée devant toi d'écoute, de programmation. Et surtout, je te demanderai une révision de tout ce que tu vas entendre en onde aujourd'hui. Fait que c'est ça. C'est comme un examen, tu sais. OK, cool. Ben, toi, il faut que tu ressens mes jeux de mots. C'est ça, exactement. C'est pareil à ça. Cool. Tu vas pouvoir faire ça? Ah, absolument. OK. Je suis prêt. C'est bon, excellent. Pour de notre côté, en fait, c'est déjà le temps de se laisser. Grosse journée, la température n'a pas aidé à rien. On a commencé l'émission en retard un petit peu. Mais merci à Dominique Mavungu qui a été le seul chroniqueur de la journée. Merci à toi aussi, Mathieu Plante, d'être au téléphone avec nous présentement. Merci à toi et bonne fête encore. Merci beaucoup. Et nous, on se dit à demain matin, 7h30. Et surtout, bon café tout le monde. Bye!